Exercice 12, page 97. Et plus important encore, il avait trouvé le temps, en plus d'écrire un roman toutes les 6 semaines, d'aimer plus de femmes qu'un homme ne peut en rêver.